Le club de la bonne musique. Un public trié sur le volet. Des animateurs capables de vous entraîner jusqu'au bout de la nuit. Allez, le club, laissez parler vos envies. Voilà, on laisse parler vos envies. C'est le club qui commence en compagnie de Bretto, de Alain et de... Mister Jack. Voilà, applaudissements, cette deuxième partie qui commence en fanfare. Le club, c'est une émission VIP. On applaudit tous les VIP. Il y a un contenu extraordinaire. Ça me fait plaisir en tout cas que vous nous ayez rejoints pour cette deuxième partie. Bretto est en forme. Bretto, je le rappelle, est l'animateur officiel du club. Il a le macaron qu'il s'est tatoué sur le visage. Vous pourrez le reconnaître dans la rue. Il porte une insigne VIP. Club, voilà, on va Super tatouage sur le torse marqué le club. Tout à fait, c'est une marque et on se fait de l'argent comme on peut. Hein. Déposé par notre super station. Hein. Voilà, tout à fait. On va faire un petit point du côté du programme, Bretto. Quel sera le contenu de cette deuxième partie du club? Bah, il y aura une rediff. Une rediff, ouais. Un générique TV après. Ouais. Le dossier du jour. Ouais. Un sketch. Ouais. La minute culturelle. Mmh, c'est bon ça. Et la série radiophonique. Oh, bah c'est bon. Hein. Série radiophonique, on fera tout pour essayer de vous l'offrir, ça c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la rediff, la série radiophonique s'appelle Veracruz. Ah ouais. Ça se passe à Veracruz. Tu connais l'endroit? Oui. Ouais, j'ai écouté la T'as dernière écouté fois. Tous les épisodes, très bien. Non, juste l'épisode de la dernière fois parce que j'ai pas. Je ne savais pas. Et bah on va vous le rediffuser. Gratuitement. Pas beau. Ah si, c'est super. Voilà. Allez, on y va. Mais non, on peut pas vous le diffuser tout de suite. Attendez, c'est plus de la radio. Si on, t'imagines? Oui. Si on fait le sommaire en deux secondes, qu'est-ce qu'on fait pendant une heure? Nous, on écoute les musiques. Ouais, pourquoi pas? Je veux dire, mais non, il y a un sommaire, il y a un ordre. Autrement, ça servira à rien. Ouais, tout à fait. Vous écoutez le club. On te dit au revoir, Bretto. Hein, ouais. Parce que t'as été très mauvais. Tu ne feras pas cette deuxième partie. Je suis désolé de te l'annoncer. Ouais, c'est gentil. Hein. Donc, il part, Bretto. Un petit mot pour dire au revoir aux auditeurs. Ben, je vous dis à la prochaine fois. La prochaine fois, ben. On se verra. Ouais. La prochaine fois, oui, mais la prochaine fois, j'aurai des trucs. Hein. Voilà, t'auras quoi comme truc? Ben, j'aurai un truc sur une série. Une série MP3, bien sûr. D'accord. Qui est d'une épopée intergalactique la plus stupide du monde. Donc une série MP3, c'est une série en format numérique audio hein, pour les novices qui ne parlent pas forcément le langage informatique. Mmh. Et vous êtes nombreux, ça se comprend. Hein. Mmh. Mais nous essaierons de diminuer la fracture multimédia. Et aussi, je parlerai aussi de Resident Evil. Resident Evil, ouais. On va lui donner des cours. Moi, je m'étais promis quand même que la prochaine fois qu'on se verra, il y aura des cours d'articulation. Ça marche? Non. Ok. De diction. Surtout d'articulation pour Bretto, ouais. Hein, d'accord? Ouais, parce que je sais, je parle très très vite. Et voilà, j'ai du mal à articuler. Donc Resident Evil. Non, c'est Resident Evil. Voilà, bah ouais, mais il l'a fait. On réécoutera la bande, mais tu l'as fait à la française au début, puis tu changes parce que ça t'arrange pas. Tu peux facile, mon petit Bretto. Mais c'est vrai, ça se pose comme ça, c'est Resident Evil. D'accord. Ça parle de quoi ce jeu? Ben en fait, c'est. Pour résumer très très très brièvement, et ben en fait, il y a une compagnie qui s'appelle Umbrella qui fait des expériences, et un beau jour, il y a eu des accidents. Et l'équipe Alpha des Stars a été envoyée sur place, et il n'a pas eu de réponse. En fait, Raccoon City n'a pas eu de réponse, et en fait, ils décident d'envoyer l'équipe Alpha, composée de Jill Valentine, Chris Redfield, Albert Wesker, et puis Barry Burton, et puis José qui va mourir dès le début de toute façon. Je connais bien les prénoms et tout ça. Et en fait, ils vont se retrouver dans le manoir après être poursuivis par des chiens zombies. Quoi. Et en fait, c'est là que tout commence. Faut jouer au jeu pour comprendre. Quoi. Tout comme dans le film du même nom. Le film est totalement pourri. Ouais. Enfin, je tiens à préciser que le film est totalement nul et mélange tous les trois jeux. On retrouve des éléments du 2, ouais. Des éléments du 1 et des éléments du 3 totalement mélangés et on comprend rien du tout à ce qui se passe. Voilà, une petite aparté sur la vie multimédia. Merci Bretto en tout cas, au revoir. Hein. Au revoir, à la prochaine. Au revoir à tous. Salut Bretto. Et nous on reste là quand même pour la suite avec Sean Paul, la glou. On se retrouve d'ici quelques instants pour la suite et la rediff de l'épisode 7 de Veracruz. Ciao à Bretto et puis nous on se... Ciao. Ben, nous on reste là quand même, on reste là pour la suite de l'émission. Sean Paul, like glue, c'est parti.

Alors je vous propose d'écouter l'épisode 7, l'épisode qu'on vous a déjà diffusé sur cette antenne. Un épisode riche en couleurs où on apprend que Marc ira jusqu'au bout de sa haine contre son frère. Et le père de Marc et de Paul va tout faire pour essayer de les réconcilier. Réconcilier. Et tout à fait. Alors on va s'écouter cet épisode et puis je vous dis juste après on fera un petit point sur la série parce que actuellement ils sont encore en train de tourner des épisodes aux États-Unis puisque ça se tourne quand même assez loin d'ici. Donc on écoute l'épisode 16 de Vera Cruz et puis on se retrouve juste derrière. Alors l'épisode 7, il s'intitule Un secret de famille. Et je vous le cale tout de suite, évidemment, hein, sur le club, l'émission la plus à la pointe des nouvelles technologies, effectivement, des technologies, des séries radiophoniques. Bon, on cale cette série ou quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est où ? Sur la bande FM. Deux secondes, hein, je le recale. On est un petit peu à la bonne franquette dans l'émission. Allez. Je vous recale cette série radiophonique, donc en 29 épisodes, hein, je le rappelle, 30 épisodes, pardon, excusez-moi. 30 épisodes, oui. 30 épisodes, je ne sais pas si vous vous représentez 30 épisodes. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'est bien 30. 30 épisodes. Ça en fait des épisodes. Et hein. Je vous recale évidemment le 7e épisode. Allez, on remet ça sur la machine. Je vous le recale évidemment. Et on le lance. Mais quand même, 30 oui. épisodes. Hein. 30 épisodes, oui, il faut quand même préciser. 30 épisodes, voilà, 30 ce n'est pas rien. Épisodes. Ça demande du boulot, mais. Sur la plage de Veracruz. Ça, c'est le petit mix. Sur la plage de Veracruz. Les Bernicles ont refermé leurs coquilles. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Tu vas finir en prison, ordure. Je crois que mon frère a sombré dans la folie. Vous n'allez pas l'écouter quand même. Il fabule de la chérir et de l'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, je n'ai jamais lu le respect au fond de ses yeux. Peut-être est-ce un sentiment qu'il a enfoui au plus profond de son âme. Au plus profond de son âme. Au plus profond de son âme, voilà, il est calé, l'épisode 7 de Veracruz, quasiment inédit sur aucune radio. vous êtes prêts, les auditeurs ? On y vous va. Vous êtes prêts chez vous, vous avez le doigt sur la cassette pour enregistrer ? Play. La cassette s'est démodée, vous enregistrez ça sur votre ordinateur et puis vous l'échangez entre vous dans la cour de récréation, ça marche ? Ça marche et vous le diffusez sur internet aussi, tiens. Voilà, c'est ça. Sur la plage de Veracruz, les nuages assombrissent le ciel, laissant une traînée d'amertume. Paul s'est enfui à la nage vers la ville de River Phoenix. Victor, le père de Paul, est extrêmement déçu d'apprendre que c'est Marc qui a prévenu la police, conduisant le FBI sur les traces de son propre frère. Décidément, rien n'est simple sous le soleil de Veracruz. J'ai honte de toi, Marc. Vendre ton frère. Mais qu'as-tu fait de ton devoir familial ? Si Paul n'a rien à se reprocher, il n'a rien à craindre. Je garde mon devoir pour ceux qui en sont dignes, papa. Je crois que tu as cassé la porcelaine de mon cœur et je n'aurai plus jamais confiance en toi. Papa. Quand je pense que Paul est en train de nager pour échapper à la prison. Papa. Je souffre dans ma chair. Papa. Je te laisse. Dans le mépris. Papa ! C'est John du FBI. Entrez, inspecteur ! Vous m'avez raconté des salades, monsieur Cardo. J'ai fouillé Veracruz et il n'y a pas de trace de Paul. Il s'est enfui par la mer. Il tente de rejoindre River Phoenix. On peut encore le rattraper, là, quoi, comme bateau ? Mais il n'a pas de bateau. Scooter de mer ? Non, il est allé à la nage. Impossible, c'est à 200 km. C'est un bon nageur. Il est très capable d'y arriver. Je vais faire boucler l'océan. On va mettre des bateaux policiers partout. On va le piéger. Et vous, vous allez venir avec moi. Pourquoi ? C'est vous qui nous avez refilé ce tuyau, et j'aime pas qu'on se moque de ma tête. Victor, je suis venu te voir. J'ai appris ce qu'a fait mon fiancé Marc, ton fils, Victor. Il a vendu Paul, son frère. Je suis dégoûté. Moi aussi, Victoria, je suis dégoûté. Quand je pense que je les ai élevés main dans la main, comme deux frères, je n'aurais jamais imaginé ça. Personne n'aurait pu imaginer. Il ne nous reste qu'à attendre. Veracruz, épisode 7. Voilà.

the Love sur l'antenne de la radio, sur l'émission Le Club. Where is the Love? Mais where is Alain? Oui, je suis là. Alain, donc notre co-animateur d'un jour dans Le Club. Ah oui, on va essayer. C'est pas trop dur? Non, ça va pour l'instant, tout se passe bien. C'est que tu succèdes au plus grand. Tu succèdes à Thomas, tu succèdes à Julien, tu succèdes à Bretto. Oui. Pas facile. Mais pas facile, hein, parce que c'est vrai que là on est au chaud. Il fait chaud dehors. Il y a une pression dans l'émission telle qu'il y a un conducteur tellement intense qu'il faut quand même fournir de l'imagination, fournir de bonnes réponses, sinon on ne reste pas comme Bretto qui a quitté l'émission en début d'émission, voilà, malheureusement. Sinon il s'est fait éjecter, comme moi je vais me faire éjecter dans 7 secondes. Alors, si je ne réponds pas aux questions qu'on me pose. Tout simplement, il faut être à mon avis nature, et c'est ça le secret d'un bon animateur, c'est quelqu'un qui est lui-même. Qui n'essaye pas de s'inventer un personnage. Non, qui reste naturel. Et ben moi, voilà. Je dis que c'est peut-être la qualité essentielle, la qualité première. D'un animateur radio. Ouais, tout à fait. Voilà. Tu l'as dit toi-même. Et peut-être même la qualité essentielle. Voilà. On va tout de suite attaquer avec la suite de l'émission et un spécial tournée manège. Alors, j'ai pas le générique. Aha ! Mais à défaut, on va prendre celui-là. Alors, tournée manège était une émission très simple où il y avait un décor en forme de manège, où il y avait deux filles et deux garçons. Mmh. Une présentatrice qui s'appelait Alain. Evelyne Delia, donc, d'accord, très bien. Et une brune qui s'appelait... Alors là, la brune, je m'en rappelle plus. Bon, on n'a pas très bien calé cette rubrique, hein, je vous le cache pas. La brune, la blonde, et c'était deux présentatrices. Le principe était très simple. Deux garçons venaient pour essayer de séduire deux filles, et les deux filles essayaient d'en savoir plus sur les garçons. Mmh. Et puis, il y avait un petit jeu de la séduction à travers des questions. Donc, chacun devait poser des questions à l'autre. Et selon les réponses, des affinités se créaient ou des affinités ne se créaient pas. C'était un petit peu le principe de cette émission. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le principe était tel que les garçons et les filles ne se voyaient pas. Donc, ça ne se basait pas sur le physique. Et c'était juste des questions. Ça se basait sur la voix, tout simplement. Sur le feeling. Oui. Voilà, sur la voix. Sur la voix, oui. Ils étaient bien séparés avec une cloison. Et seules les présentatrices voyaient les deux têtes des garçons, et des filles et des gars. Voilà. Mais les filles et les gars entre eux ne se voyaient absolument pas. Il n'y avait même pas d'écran de contrôle pour se voir. Il n'y avait rien du tout. Et voilà, et c'est ce qui faisait un petit peu la magie de cette émission. Puisque nous, téléspectateurs qu'on était, on voyait les têtes des personnes. Et on voyait que des fois, ça ne correspondait pas forcément à leur voix. Ah oui, tout à fait. Donc, on peut s'imaginer les surprises de certaines filles ou de certains gars en voyant, en découvrant l'élu de leur cœur. C'est vrai qu'on fait des mauvaises surprises. En fermant les yeux, c'est vrai que même à la radio, c'est ça qui... Ah ! Et oui, même en fermant les yeux, effectivement, à la radio, c'est un petit peu ce principe. Vous ne voyez pas nos têtes, finalement, vous seriez peut-être très, très déçus. Peut-être. Ou peut-être pas. On va donc attaquer avec ce spécial tournée manège. Et je crois qu'on a un auditeur en ligne pour participer à ce tournée manège. Ouais. Je vais prendre un petit peu la teneur. Alain, il y a quelqu'un pour nous ? Il y a quelqu'un pour nous, Alain ? Oui, tout à fait, il y a une personne pour nous. Attends, alors je vais devoir. Qui veut réagir à l'émission tournée manège ? Qui veut réagir, mais moi je vais devoir aller faire un petit tour dans le studio. Allez, hop. Pas de problème, fais ton petit tour. Je prends mon... Je te laisse faire calmement ton petit tour. Quant à moi, mon petit matériel. Eh bien, je vais vous diffuser le bêtisier de Tournée Manège. Parce qu'effectivement, donc, comme je vous l'ai dit, il y avait dans Tournée Manège des participants qui jouaient pour essayer de remporter la femme ou remporter l'homme, en l'occurrence. Et donc, ils devaient poser des questions. On a retrouvé le bêtisier de Tournée Manège. Écoutez bien, c'est un bêtisier assez inattendu. Premier bêtisier. Écoutez les questions idiotes et des fois les réponses carrément plus stupides encore. Jean-Jacques, comment réagirais-tu si lors de ton mariage, tu te trouvais seul à l'église? Je me posais la question déjà. Hein. Si c'est trop long, je vais boire un verre puis je reviens après. Voilà, premier petit extrait, donc premier petit bêtisier de tournée manège. On attaque avec un deuxième bêtisier. Vous allez voir un petit peu pour nous mettre dans l'ambiance de cette émission où des couples se font et se défont. Tournée manège, toujours la suite, le bêtisier. Alors Sébastien, si je te dis que mon fantasme est d'être avec toi sous une cascade, où m'emmènes-tu? Oui, très bien. Évitez les Niagara Falls parce que c'est un peu violent. Je suis pas une cascade, moi je connais pas de cascade. Eh ben si, oui, une coulée. Non mais t'as pas un endroit, je crois, que t'aimes bien. Effectivement, si on ne connaît pas les cascades, on se prend une gamelle dans Tournée Manège. Encore un petit extrait, petit bêtisier best-of de cette émission Tournée Manège où je vous rappelle, hein, les candidats ne voyaient pas les candidates et inversement, ils devaient se séduire. Vous voyez qu'il y avait quand même de des questions assez bizarres. Tournée Manège, toujours la suite. Si je demande d'additionner 10 plus 5, plus 15, plus 20, plus 19. J'ai une calculatrice, s'il te plaît. Alors, 10 plus 5, plus 15, oui. Plus 20, plus 19. Combien ça fait ? 69. À quoi tu penses ? Position 69. À la position 69 ? Oui. C'était un petit peu coquin des fois, hein, également, Tournée Manège. Oh, les matheux aussi. On a un auditeur au téléphone. On a un auditeur qui va réagir. Alors, je lui fais écouter encore un dernier extrait de Tournée Manège. Oui. Et puis après, on va retrouver l'auditeur qui, je crois, c'est un témoignage. Mais enfin, c'est un témoignage. On vous en apprendra un petit peu plus juste après le dernier extrait de Tournée Manège. Donc, extrait toujours croustillant, évidemment. Tournée Manège, écoutez bien cet extrait. Que pensez-vous des femmes qui exercent des professions exclusivement masculines ? Du genre ? Des genres quoi dans l'armée ? Des travaux. L'armée ? Non. Ils étaient fuités dans Tournée Manège. Hein. Ils étaient fuités. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe. Des questions et fallait des réponses. Et des fois, les réponses étaient stupides. On a un auditeur en ligne qui veut réagir sur Tournée Manège. Comment vous appelez-vous, auditeur ? Robert. Alors Robert, tu vas bien ? Ouais, ça va. Ça va. Alors, tu nous écoutes depuis longtemps, alors ? Ouais, un petit peu, ouais. Ah, ça, c'est excellent, ça. Alors pourquoi nous appeler, justement, pour réagir sur l'émission Tournée Manège ? Bah, je voulais dire que... bon, moi, j'ai participé à Tournée Manège il y a un petit moment, quoi. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et bon, c'était il y a longtemps, hein, maintenant. Et je voulais dire, au début, j'avais rencontré une super poule, quoi, une super nana. Une jeune fille, d'accord. Une fille, quoi. Elle était mignonne. Ouais, elle était mignonne, ouais, elle était mignonne. Bon, maintenant, c'est fini, quoi. Parce que, bon, ce qui s'est passé, c'est, quand je l'ai rencontré, en fait, c'était super bien, on avait posé des questions et tout. Et puis, Questions que vous lui avez posées, Robert ? Pas comme les autres, hein, parce que bon, je suis pas faire les mathématiques, hein, comme les autres. C'était compliqué les questions que vous avez entendues à l'instant là. Ouais, c'est plutôt est-ce que tu sais faire la vaisselle, est-ce que tu sais passer l'aspirateur. Ah oui, des trucs assez terre à terre. C'est marrant, Robert. Peut-être qu'on vous a dans nos extraits parce qu'on a retrouvé un extrait de Tournée Manège où effectivement une personne demande à la jeune fille. Sais-tu traire les vaches ? Était-ce vous, Robert ? Ah non, parce que moi, je préfère faire ça moi-même, hein, c'est pas un travail pour les filles, ça. Hein. Et puis, je veux dire, du côté de moi aussi, que ça, c'est un travail pour les hommes, quoi, à vrai, quoi. Et puis, Où, Robert ? Excusez-moi de vous couper. Vous habitez où ? J'habite dans une commune, quoi, à côté du bourg. Ah, d'accord. En Bretagne, je suppose. Bah oui, en Bretagne, en France. Oui, quelques questions. Bah oui, en France, l'autre. Excusez-moi, Robert, reprenez. Alors, cette jeune fille, donc vous l'avez rencontrée, vous êtes monté à Paris quand même donc pour jouer à Tournée Manège. Ah ouais, ça n'a pas été facile, hein. Il a fallu prendre le train et tout, hein. Ça a été compliqué. Hein. Enfin bon, on a été dans une ville assez grande, et puis bon, il a fallu aller passer à la télévision, et puis voilà quoi. Et Robert, tu t'es pas perdu à Paris ? Ah non, ça c'est vrai, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui allait aussi, qui s'appelait Jean-René. Et puis il allait aussi, on s'est rencontrés, c'est la gare de Montparnasse. Et puis on était ensemble, quoi, on avait pris un taxi, parce que les taxis c'est plus facile. Et puis voilà. Alors, et puis, vous posiez des questions à la jeune fille. Ouais. Qu'est-ce qui, à votre avis, a fait qu'elle a craqué sur vous, hein, puisqu'il a fallu qu'elle vous sélectionne à un moment donné ? Bon, c'est difficile à dire, hein. Il y a eu tellement de questions, maintenant ça fait loin. Je crois que c'était quand elle m'avait demandé, en gros, est-ce que les femmes c'est pour aller à la cuisine ou pour aller à la cuisine. Ah, puis je crois que j'avais répondu, je sais plus, je crois que c'est, le travail des femmes c'est pour la cuisine, et puis je crois qu'elle avait mal compris. Donc vous avez été plus ou moins choisi pour votre franchise, Robert ? Ah bah je crois, ouais, et puis de toute façon, moi ce que je cherchais c'était une femme, quoi, tu vois, pour on cherche tous l'âme sœur, Robert. Voilà, puis j'étais tout seul, peut-être qu'elle a craqué sur moi. Peut-être, Robert, peut-être. Robert, puis, voilà. Alors, maintenant, les années ont passé, finalement. Le jeu vous a permis de rencontrer l'amour. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que l'amour dure toujours? Est-ce que les cœurs continuent de tourner manège? Oh, je te dis pas, attends, l'autre, que dès que t'arrives à la maison, ça y est, c'est fini, elle voulait plus faire à manger, elle voulait plus faire la cuisine, l'aspirateur et tout. Madame voulait aller à la ville pour acheter des toilettes, et puis voilà, quoi. Et puis après, bon, bah, puis ça coûte cher, hein, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas réussi, peut-être, en la testant, vous n'avez pas compris que finalement, elle était un petit peu une Marie Court le shopping? Je sais pas si c'est Marie Court shopping, mais bon, ça coûte cher à la fin du mois, parce que bon, c'est pas tout, hein, mais les euros, il faut les ramener, hein. Un peu de gripsou, quoi. Un gripsou, qui moi? Bah, non, j'ai pas de gripsou, je suis généreux. Hein, non, mais je te parle d'elle. Alain, ne vexe pas, déjà que c'est un témoignage assez bien. Pour Saint-Valentin, je vous offrirai des fleurs. C'est pas mal. Tout, quoi. C'est très bien ça. C'est très très bien. J'espère qu'Alain ne vous a pas vexé. Hein. Il voulait pas dire que vous étiez gripsou, il voulait dire peut-être. Ah, non, je parlais de la demoiselle. Je parlais de la demoiselle en question. Puis mon dernier cadeau de Noël, j'avais offert. Attends, un toaster, tu vois, c'était bien, quoi. Ça, c'est bien, ça, c'est pratique. Ça, c'est bien, ça. Et puis, c'est chaud, c'est beau. Ah ouais, c'est chaud, c'est bien pour me faire mes tartines grillées le matin. Ah oui, mais ça revient souvent à votre ventre, Robert. Vous pesez combien, Robert? Je sais pas, 95 kilos. Eh bien, elle a fait du beau travail, elle vous a bien nourri. Ah ouais, non, on ne nourrit plus, quoi, tu rigoles, quoi. J'ai foutu à la porte, hein, la Marie. Vous voulez dire que c'est fini? Bah oui, c'est fini, attends, tu crois que j'allais garder une bonne femme qui dépense tes sous et qui est bonne à rien? Au final, Robert, vous avez participé à une émission quand même intéressante, vous avez réussi à retrouver l'amour, et au bout du compte, vous me dites finalement c'est fini. Bah oui, c'est fini. Toujours célibataire? Bah oui, d'ailleurs, je passe une petite annonce, si y a une fille qui aime bien faire le ménage, la cuisine, s'occuper d'une maison... moi je veux bien. Elles sont nombreuses, Robert. Nous transmettrons. Ouais. Vous allez. Mais non, elles veulent pas venir avec moi, je comprends pas. Mais c'est parce qu'elles ne vous ont pas vu, et c'est justement peut-être le principe de ce jeu tourner manège, de ne pas voir les choses, de ne pas voir la beauté première, mais la beauté secondaire, et je pense que vous êtes quelqu'un de secondaire, Robert. Alors, Robert. Oh, bon, ça veut dire quoi? Bah, que vous êtes. Alain. Oui. Explique-lui, secondaire. Secondaire. Ça veut dire que vous n'êtes pas brute de pomme, vous êtes quelqu'un de. Ah non, moi je veux pas dans les pommes, moi je suis dans les choux-fleurs. Non, mais vous avez un cœur d'artichaut, voilà. Robert. Robert. Le talent du jour, non, pas du grand jeu, des choux-fleurs, je vous dis. Ah, d'accord. Non, mais cœur d'artichaut, ça veut dire. Vous avez le cœur sur la main. Voilà, le cœur sur la main, non, il est dans mon ventre, tout va bien. Vous êtes un petit peu poète, Robert. Et ça, on apprécie ici au club. Ah bon, un peu poète? Oui. Ah ouais. En tout cas, je vous remercie quand même de votre coup de téléphone. On va passer. Hein, pardon? Y a pourquoi? Moi, je dis bon, en attendant, hein, si une fille qui veut bien venir avec moi, moi, je veux bien. Je crois qu'Alain a déjà des idées. Il a l'œil qui brille. Je crois qu'il a une personne à vous proposer. Donc nous allons vous mettre en relation évidemment avec la personne. Tout à fait. On va prendre vos coordonnées hors antenne et puis. Tout à fait. Oh, et puis je vous remercie beaucoup de cet appel, hein, qui nous fait extrêmement plaisir. Et je vous rappelle que l'amour ne se trouve pas au coin d'un tracteur, mais bien au coin d'un. Au coin du champ. Du champ, tout à fait. Voilà. Vous êtes vraiment très fort, Robert. Je vous laisse. Oui, merci à la radio, hein, c'est gentil. Mais de rien, Robert. Alors, Robert. À bientôt. Hein, ciao. Puis, c'est bien ce que vous faites, hein, je vous écoute tout le temps. Bah, et puis tous les jours et tous les soirs et tous les matins et tous les après-midi. On trouve ça aussi. Le matin, c'est un petit peu faible, mais... Robert. Ciao, ouais. Robert. On te remercie. Ciao, à bientôt. Hein. Allez. À bientôt, Robert. Je te prends en antenne, Robert. Alors, voilà. Témoignage de Robert, un témoignage bouleversant de quelqu'un de brut de pomme, de brut de décoffrage qui n'a pas trouvé l'amour dans Tournée Manège. On va continuer à vous diffuser quelques petites perles de l'émission Tournée Manège. Vous allez voir, je ne vous ai pas menti. Il y a parfois de drôles d'énergumènes qui se présentent à ce genre de jeu. Écoutez bien, autre extrait, autre moment de vérité, on peut le dire, dans l'émission Tournée Manège. Laurence, Si je te dis que je suis vierge, qu'en penses-tu? Je m'occuperai peut-être de toi à ce moment-là. Oui. Vous parliez d'astrologie? Oui, là, je parlais plutôt de mon signe astral, là, oui. Oui. Et oui, il y a eu méprise, hein. Méprise dans Tournée Manège. Voilà un extrait bien sympathique. On continue avec les extraits de Tournée Manège, puisque ici, à la radio, nous sommes une mine d'extraits sonores. Extrait bêtisier, évidemment, de cette émission où les gens devaient trouver l'amour avec des questions. Brigitte, tu te couches nue ou en chemise de nuit? Oh, quelle indécence! Et oui, quelle indécence! Oui, mais des fois, ça plaît à certaines. La preuve, ça dépend ce que je fais. Ensuite, émission, toujours extrait de l'émission Tournée Manège. On a encore quelques petites perles, donc restez à l'écoute si vous êtes fan de cette émission ou si vous étiez fan, évidemment, puisque ça n'existe plus. On voudrait savoir si elle sait traire les vaches. Allô? Toutes les questions, même les plus imprévues? Non. Voilà, vous voyez, hein, même la traite des vaches était en question dans cette émission. C'était vraiment une émission... pluriel. Autre petit extrait. Patrice, es-tu conformiste? Oui, assez, oui. Non, conformiste, c'est-à-dire que vous êtes du genre classique, voire assez conservateur, vous aimez bien les traditions. Non, pas trop. Alain, tu es conformiste? Tu es conformiste, Alain? Tout à fait, très conformiste. Non, je veux dire, tu es conforme. Conforme. Parfait. Parfait. On enchaîne avec un autre petit extrait, extrait numéro 10, et ce sera le dernier extrait de cette émission Tournée Manège. Après, on enchaînera avec la suite de l'émission Tournée Manège, dernier extrait, donc à vos cassettes, hein, si vous voulez récupérer cette petite perle. Yannick, ton ex a-t-elle des raisons profondes de t'en vouloir? Beaucoup. Votre ex-copine, vous avez eu des copines, Yannick, j'imagine, quand même. Oui. Et la dernière en date, elle a des raisons de vous en vouloir? Vous l'avez quittée méchamment ou vous lui avez fait des trucs pas sympas? Non, elle était trop dépensière. Voilà, c'était peut-être le problème de Robert, justement. Ça résume bien, voilà ce que je voulais dire, le problème de Robert. Voilà, tout à fait, un petit peu trop dépensière, voilà. Voilà. Bon, mais c'était intéressant de nous replonger comme ça dans la mémoire. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, on a retrouvé des choses bien sympathiques. Merci à Robert pour ce témoignage. Hein. Ah, c'était de Robert, ce fameux monsieur qui... On ne sait pas. Ah, peut-être, je ne sais pas. C'était de lui. J'avais envie de rester un petit peu dans l'ambiance love, dans l'ambiance on s'aime, on se rencontre, on s'aime. On s'adore. Fait des choses et puis finalement on se déteste un jour ou peut-être qu'on continue à s'aimer. Oui. C'est un petit peu la vie. Shanice, I love you smile. Traduisez littéralement, j'adore ton sourire. C'est le début d'une rencontre, tout simplement. me. Shawnee is the one for you to be with. But when I'm caught all alone, I start messing. It's from state of depression. And then the thunder clouds of doubt move in. I begin to wonder, do you still love me? But after that, my whole world is beautiful. I love your smile sur l'antenne du club. Vous êtes en compagnie de monsieur Mr. Alain. Ah oui, toujours moi. À l'écoute de... Et de Mr. Jack. Mr. Jack. Moi-même, présent pour l'émission Le Club. Une émission qui va vous emmener très loin ce soir, aujourd'hui même, on peut le dire. Oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, pourquoi parler du soir? On peut parler du matin également. Oui, donc c'est vrai qu'on commence une journée fortement agréable. Alain. Oui. Est-ce que tu as eu parfois des problèmes? C'est tout, je m'arrête là. Est-ce que tu as eu des problèmes déjà? Tout à fait. On a tous eu des problèmes, je crois. Tous eu des problèmes. Ça dépend de quel genre. Maintenant, de quel genre de problème je parlais? De quel genre de problème, oui. Sentimentaux. Des problèmes sentimentaux. Oui. Et des problèmes de réveil difficile. Oh, m'en parle pas, tous les matins. Tous les matins, c'est dur. Oh, oui. Bon, cette fois, elles sont là, c'est Sophie et Julie, pour nous donner quelques conseils pour être bien en forme le matin. Le matin. Pour se réveiller avec une tête fraîche, une tête... c'est des beaux jours, finalement. Oui, sans cerne aux yeux. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu voudrais entendre Sophie et Julie? Eh ben, avec plaisir, tiens. Elles sont jolies, en plus. Je pense. Bon, d'ailleurs, on est en préparation d'un site hein, pour le club, un site où évidemment vous retrouverez toutes les têtes des chroniqueuses et des chroniqueurs qui viennent ici dans l'émission. Oui. Et vous retrouverez sûrement les têtes de Sophie et Julie. On parle même des deux plus jolies filles de la bande FM. Maintenant, vous en jugerez sur pièce. Ah oui. Oui, c'est pas très élégant sur pièce, évidemment. Miss Dynamite avec Know How You Want My Love. You Want My Love sur you l'antenne. My love. Et puis, on se retrouve avec les deux plus jolies filles de la bande FM. Avec leurs conseils, Sophie et Julie seront là devant les micros. Ça marche? Ça marche, on les écoutera tout à l'heure. So deep for you. I remember the day that I cried for you. Remember the days I thought I'd die for you. But you said you had no time for me. Said that you and I would never be. Said you wouldn't mind getting up between my legs. But not good enough to be your girl, that's what you said. Ooh, how you broke my heart that day. All the love I had for you. But only disrespect did you show me. Broke my heart that day. All the love I had for you, but only disrespect did you show me. And now you want my love. So what you trying to tell me? Now I'm good enough. And now you want my you're gonna get it must be out your fucking mind. Now it was pure disrespect that you showed me, and suddenly your brother wanna know me. Is it because I'm Miss Dynamite? That suddenly you wanted me to be your wifey? You're showing how shallow you really are. Cause all this shit don't make me no superstar. Little name, little fame up in this game. Shit ain't changed, shit ain't changed. I'm still the same. I'm still the same girl whose heart you broke that day. All the love I had for you, but only disrespect did you show me. Girl, whose heart you broke that day? All the love I had for you, but only disrespect did you show me. And now you want my love. So what you tryna tell me now? I'm good enough. And now you want my time. If you think you're gonna get it, must be out your fucking mind. And left me in sorrow. Now tell me who's in control. And it was so upsetting, but now I'm letting you know my love you ain't getting. I'm betting that you regretting the day you stole that little piece of my soul. And now you want my love. So what you trying to tell me now? Think you're gonna get it, must be out your fucking mind. And now you want my love. So what you tryna tell me now? I'm good enough. And now you want my time. If you think you're gonna get it, must be out your fucking mind. Elle s'appelle Miss Dynamity avec le titre Now You Want My Love sur Le Club. Le Club, la seule émission de radio réservée à un public VIP. Et vous êtes bien dans Le Club, ça vous l'avez compris j'espère, avec mon ami Vincent. Non, Alain. Oui, Alain. Mais qu'est-ce que je raconte? Alain. Oui. C'est parce qu'il y a tellement d'animateurs ici que j'en perds mon latin. Oui, c'est vrai qu'on est une cinquantaine d'animateurs dans le studio. Voilà. Et mon ami Alain. Oui, c'est bien moi. Voilà. C'est bien moi. Excuse-moi. Hein. Oui, non, y a pas de problème. Je vous l'ai promis, il y a quelques instants, nous allons retrouver la rubrique des filles les plus jolies de la bande FM. Une rubrique qui va nous entraîner dans des conseils. Parce qu'on aime bien se faire entraîner dans des conseils intelligents pour une fois. Parce qu'effectivement, les conseils, bon, évidemment, il faut les suivre. Un bon conseil, c'est important. Et là, on va vous expliquer comment faire pour vous lever avec une tête fraîche le matin du côté des 7h du matin. C'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile de se lever toujours de bonne humeur, joyeux ou joyeuse si vous êtes une fille. Donc on retrouve nos deux plus jolies délurées, deux plus jolies princesses de la radio. Oh oui, ils sont mignonnes. Allez les filles, allez les filles, on y va. Notre rubrique. Les conseils de Julie et Sophie. Bonjour, c'est les conseils radio de Sophie et Julie. La brune c'est Sophie, la blonde c'est moi. Merci Julie. Mais à la radio, blonde ou brune, c'est comme blanc ou noir, ou jaune ou vert. On ne fait pas trop la différence. Ça prouve bien que je suis blonde. C'est vrai Julie. Alors quel va être ton conseil aujourd'hui? C'est un conseil beauté. Trop de filles se réveillent le matin en donnant l'impression qu'elles viennent de se lever. C'est ce qu'on appelle l'effet tête tête dans le cul. Mais Julie, comment évite-t-on les fêtes tête dans le cul? C'est très simple, Sophie, et c'est un conseil qui va aussi t'être utile. Merci. La situation est très simple. Vous avez fait la fête, il est 4h du mat, et vous devez vous réveiller à 7h. Il va être dur de se réveiller avec la tête d'Alizée. Ça va être impossible, Julie. Quelle crème va nous permettre un tel miracle? Ce n'est pas une crème, Sophie. Un fond de teint, alors? Ce n'est pas un fond de teint, c'est un masque. Un masque de concombre? Non, non, un vrai masque, un masque d'Alizée. C'est la seule façon au réveil d'avoir la tête d'Alizée. C'est sûr, Julie, on ne peut pas se tromper. C'est bien toi, la blonde. Ah, sympa cette rubrique. Sophie, merci Julie. Ouais, ils me font la bise, c'est gentil. On les retrouvera bien plus tard. Ouais, vous êtes superbes. Restez comme tel. The Under Project. On se retrouve juste après pour la suite. Ça sera un petit point du côté de la minute culturelle. I sit here thinking of you, and can't wait to get in it. I'm waiting for the week to be through. Saturday's the only day I wake up thinking about, 'cause any other day is just another day, no doubt. 'Cause every time I'm thinking about you, thoughts go through my mind, and everybody's working for the week. By my side, and I can't wait much longer. Wanna show you how I feel for you tonight. Saturday's the only day I wake up thinking about, 'cause any other day is just another day, no doubt. 'Cause every time I'm thinking about you, thoughts go through my mind, and everybody's working for the weekend. Everything is alright on a Saturday night, and I got all my feelings with the honey by my side. Le club, toujours en compagnie de Jack, moi-même, de Alain également. On enchaîne avec les instants culturels, la minute culturelle, car vous le savez, dans chaque radio, nous avons un quota de culture. C'est important, la culture. Sans culture, nous ne pourrions pas avancer dans la vie, nous reproduirions tout le temps les mêmes erreurs, nous n'avancerions pas dans la réflexion. Grâce à cette minute culturelle, nous avançons dans la réflexion et nous avons le droit à nous aussi à notre part de culture sur l'antenne et de culture dans l'émission du club. Aujourd'hui, on va vous parler de l'amour avec un grand A, vous allez voir. C'est notre minute culturelle dans le club, l'émission culturelle. On peut le dire maintenant, on peut le dire, c'est culturel. Allez, notre instant culturel juste après ceci, juste après cela. Voilà, on se retrouve donc pour cette minute culturelle consacrée à l'amour et avec des définitions bien sympathiques, ma foi. Qu'est-ce que l'amour ? Bah, vous allez le savoir d'ici quelques secondes. L'amour peut énerver l'âme ou l'affermir. Un amour affamé ne se nourrit point de sermons. Le sexe est une envie, l'amour un besoin. Vous l'avez compris, une minute culturelle qui sera consacrée à l'amour avec un grand K et sans gros cul. Car quand on aime, on a toujours 20 ans et un cul de rêve, là, c'est écrit. Mais pour bien comprendre l'amour, il faut se replonger dans ses cours de psychosociologie. Voici une définition digne du petit Robert. Amour, sentiment d'affection passionnée d'un être humain pour un autre. Amour, sentiment de profond attachement, don de soi et remplacement à son propre intérêt. Mais l'amour, c'est plus que ça. Pour Spinoza, l'amour n'est rien d'autre qu'une joie accompagnée de l'idée de sa cause. C'est plutôt clair. Pour Platon, en revanche, l'amour est un moyen pour l'homme d'élever son âme vers la contemplation. Mais ce qui est certain, c'est que quand on aime, on ne déteste pas. Ce qui nous pose un problème, car sans haine, pas d'amour, et sans amour, pas de haine. L'amour ne serait-il pas une forme d'équilibre entre haine, joie, peine et colère ? La question reste posée. Nous ne pourrons pas y répondre car nous n'avons qu'une minute, c'est la minute culturelle et une minute c'est court, ça ne laisse même pas le temps d'aimer. Voilà ce petit papier sur l'amour dans les instants culturels. Voilà, on retrouve le club, un club un petit peu plus potache, un club où il y a un petit peu moins de culture. Et puis pour rester un petit peu dans l'amour, voici SWV, traduit SWV, une petite chanson très fraîche. Insecurities about the way I feel, where I wanna be. Right Here Right Now sur l'antenne SWV. Allez, ainsi s'achève cette deuxième partie du club. J'espère que vous avez été nombreux à la suivre. Je remercie Alain, indisposé, qui ne pourra pas malheureusement dire au revoir pour cette deuxième partie. Bon, nous, on se retrouve tout simplement pour la troisième partie, si vous avez un petit peu de patience. Allez, on le dit, c'est la fin. Désolé pour la diffusion de l'épisode 8 de Veracruz. Malheureusement, on n'avait pas l'épisode en notre possession, mais on remettra tout ça la prochaine fois, tout simplement. Allez, on vous dit à très bientôt. Une émission préparée par Jack, moi-même. Il y a Brito qui participe, Julien également. Toute la troupe. Ciao, on vous dit à bientôt pour la deuxième partie. La troisième partie, c'était la deuxième partie. Au revoir à tous. Ciao.